13e station. Jésus est détaché de la croix. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. L'heure du Shabbat approchait, et les condamnés devaient, au terme de la loi de Moïse, être ensevelis le jour même. Les Juifs obtinrent donc de Pilate la permission de leur faire briser les membres. Déjà l'ordre était exécuté à l'égard des deux larrons. Et les soldats s'approchaient de Jésus. Mais, le voyant mort, ils ne lui rompirent point les os. Seulement, un soldat lui ouvrit le côté d'un coup de lance, et aussitôt il en sortit de l'eau et du sang. Après cette dernière cruauté, le corps de Jésus, abandonné par Pilate à Joseph d'Arimathie, fut détaché de la croix et remis aux mains de ses disciples. Ainsi, pendant que le nouvel Adam était endormi sur la croix, son épouse fut tirée de son côté, comme la chair de sa chair, l'os de ses os. Dans son amour pour cette épouse qui est l'Église, Jésus se livre à elle et pour elle afin de la sanctifier. Il nous ouvre son cœur comme un refuge, comme la porte qui donne accès à la véritable vie. Il en sort de l'eau et du sang, de l'eau pour nous régénérer, du sang pour nous racheter. De ce cœur ouvert jaillissent les sacrements, liens extérieurs qui unissent ensemble tous les disciples de Jésus en un même corps visible et qui produisent la grâce invisible par les mérites infinis du sang répandu sur le calvaire. Enfin, le corps du Sauveur descendu de la croix nous est remis comme le gage de notre réconciliation, l'humanité ayant, par la mort de l'homme-Dieu, entièrement satisfait à la justice divine. Il nous est remis pour être la nourriture de nos âmes, notre conseil et notre force, notre consolation et notre refuge, l'objet visible de nos adorations, le moyen le plus efficace de consommer notre union avec Dieu. Ô Jésus, j'adore votre corps sacré, ce corps séparé de votre âme sainte, mais hypostatiquement uni à vous, ô Verbe éternel. Et comment mon cœur ne se fondrait-il pas d'amour, quand je contemple vos cinq plaies, ces plaies qui me disent si bien votre ineffable tendresse. Que ne puis-je baiser ces plaies adorables que vous avez reçues pour moi, en approcher mes lèvres, y puiser les sources d'eau vive qui jaillissent jusqu'à la vie éternelle. Que ne puis-je laver mon âme de toutes ces souillures dans ces eaux salutaires, la retremper dans votre sang, ô mon Dieu. Mais je le puis, les sacrements que vous avez institués et confiés à votre Église sont les canaux qui me communiquent l'eau et le sang sortis de votre côté. Ce sont des sources intarissables de grâce qui m'appliquent les fruits de votre mort. C'est votre sang qui m'a régénéré dans les eaux du baptême, qui m'a donné le Saint-Esprit pour me fortifier, dans la confirmation, qui m'a tant de fois purifié, dans la pénitence, qui me soutiendra en mon dernier combat et me préparera à la mort dans l'extrême onction. C'est votre sang qui donne à vos ministres les admirables pouvoirs qu'ils exercent pour le salut des âmes et qui les aide à remplir dignement leur sublime fonction. C'est votre sang qui sanctifie le mariage chrétien et donne aux époux la grâce de satisfaire aux obligations si difficiles de leur état et d'élever leurs enfants pour le ciel. Mais vous ne vous êtes pas contenté, ô mon Sauveur, de mettre à la disposition de l'homme toutes ces grâces si précieuses. Vous nous donnez dans la Sainte Eucharistie votre corps même et votre sang. Vous vous y donnez sans cesse vous-même tout entier. Et cependant, Seigneur, combien de fois n'ai-je pas oublié que vos sacrements sont le prix de votre sang précieux, que ce sang adorable m'y est appliqué pour ma sanctification. Oh, faites-moi mieux comprendre et sentir quelle grâce ineffable votre miséricorde a daigné attacher à ces signes sensibles. Faites-moi connaître les voies admirables par lesquelles mon âme reçoit l'eau et le sang qui s'échappe de votre cœur. Ne permettez pas ou que je ne me prive jamais par ma faute de ces dons si précieux de votre amour, ou que je les reçoive sans un véritable esprit de foi, de repentir, de confiance, de charité. Inspirez-moi plutôt les saintes dispositions que vous exigez, afin que ces fécondes sources de vie inondent mon âme des plus douces bénédictions. Faites, Seigneur, que je participe souvent au sacrement de pénitence et d'Eucharistie, avec une plus grande pureté de conscience, avec une ferveur croissante et des dispositions de plus en plus parfaites, afin que j'en retire les fruits les plus abondants. Faites que la Sainte Communion, en m'unissant étroitement à vous sur la terre,